commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant ! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, la journaliste qui en savait trop. Le 16 octobre 2017, la reporter la plus célèbre de Malte est brûlée vive dans l'explosion de sa voiture piégée. Depuis des années, elle traquait la corruption sur son île, un fléau national, et elle n'hésitait pas à mettre en cause le gouvernement. Elle visait particulièrement le Premier ministre, Joseph Muscatet. Arrivé au pouvoir en 2013, il a fait de Malte un Eldorado fiscal régulièrement accusé de dérives mafieuses et en particulier par Daphne Caruana Galizia, plus courageuse que toutes les autres. Quelques mois avant son assassinat, le magazine Politico la décrivait comme un Wikileaks à elle toute seule, en croisade contre le manque de transparence et la corruption à Malte. Une croisade qui lui a coûté la vie. Cet attentat quasi inédit dans un pays de l'Union européenne a profondément choqué en Europe et au-delà. À Malte, l'enquête, longue, rocambolesque, passionne les foules. Tous se posent les mêmes questions. Qui a ordonné l'assassinat de Daphné? Pourquoi voulait-on la faire taire? Sur quelles enquêtes dérangeantes travaillait-elle? Notre invité aujourd'hui est le journaliste et réalisateur Jules Giroda. Il a notamment réalisé en 2021 le documentaire « Malte au nom de Daphné » produit par Forbidden Stories, dont nous reparlerons. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Flora Bernard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il y a désormais des escrocs partout où vous regardez. La situation est désespérée. Lundi 16 octobre 2017, Malte. Il est 14h35, lorsque la journaliste Daphne Caruana Galizia, 53 ans, termine par ces mots le dernier article publié sur son blog. Pour la énième fois, et avec un profond pessimisme, elle relate une affaire de corruption impliquant un membre du gouvernement maltais. 20 minutes plus tard, elle sort de chez elle, une jolie maison bourgeoise située à Bidnila, au nord-est de l'île. Daphne doit se rendre à la banque. Depuis plusieurs semaines, en effet, son compte est bloqué en raison d'une nouvelle poursuite en diffamation qu'elle collectionne au rythme de ses révélations. Ce jour-là, son fils aîné, Mathieu, 31 ans, est à la maison. Journaliste, lui aussi, membre de l'ICIG, le consortium international des journalistes d'investigation, il est revenu travailler à Malte voici quelques semaines. Il entend sa mère partir. Elle sera de retour vers 17h, lui dit-elle. Mais 3 minutes plus tard, une explosion retentit. Une bombe. Mathieu bondit dehors. Une centaine de mètres plus bas, une gigantesque colonne de fumée s'élève dans le ciel. Alors il court à toutes jambes vers la voiture en flammes, projetée dans le champ qui borde la route. Il ne voit ni la plaque, ni la couleur de la carrosserie. Alors il prie très fort pour que ce ne soit pas celle de sa mère. Et puis, il aperçoit le logo Peugeot à côté de bout de corps, à un pied, une main. Le klaxon hurle, les chiens aboient, Mathieu ne s'entend plus penser, il comprend. Il est trop tard. Un homme, un voisin, a tout vu. France Sante, 60 ans, rentrait chez lui en voiture quand il a croisé celle de Daphné. Elle roulait lentement, puis elle s'est arrêtée. Au micro d'envoyé spécial, diffusé sur France 2 en avril 2018, il raconte l'attentat, deux explosions, coup sur coup. J'ai vu une petite explosion, des débris ont été projetés, et puis je l'ai vue, elle. Je ne l'ai pas reconnue, elle était paniquée, mais toujours consciente. Je vais vous révéler quelque chose que je n'ai jamais dit avant. Je l'ai même entendu crier, un énorme cri. Mais tout de suite après, elle s'est transformée en boule de feu. « Le soir même de ce 16 octobre 2017, des milliers de Maltais descendent spontanément dans la rue, bougies à la main, pour rendre hommage à Daphné, comme tout le monde l'appelle ici, ou l'appelait. Tenace, intrépide, la journaliste est devenue une icône dans l'île, adulée par certains, détestée par d'autres, mais lue par tous. Dans les années 90, Daphné Caruana Galizia devient l'une des premières éditorialistes politiques de Malte. Son style impulsif, ravit ses lecteurs, ulcère ses cibles, nombreuses. À cette époque, Malte, petite île perdue au large de la Sicile, peine à développer son économie privée de ressources naturelles. Alors pour compenser, le pays mise sur des politiques fiscales très avantageuses, taillées sur mesure pour les entreprises et les ultra-riches. Et ça marche. L'archipel, entré dans l'Union européenne en 2004, affiche désormais l'un des taux de croissance les plus forts de la zone euro. Alors certains préfèrent fermer les yeux sur les dessous d'une telle réussite. Daphné Caruana Galizia, elle, les garde grand ouvert. En 2008, elle quitte les grands journaux pour créer son blog Running Commentary, traduisé commentaire continu. Très vite, le site devance tous les journaux traditionnels de l'île. Environ 400 000 pages lues chaque jour dans un pays de 450 000 habitants. La plume acérée, parfois cruelle. Daphné y dénonce sans relâche le blanchiment d'argent, la corruption au plus haut niveau de l'État. Au milieu de ses scoops, elle n'hésite pas non plus à publier de simples photos humiliantes de ministres ou à critiquer les vêtements de leurs femmes. Des écrits parfois vindicatifs, voire diffamatoires, insuffisamment étayés. Mais dans un pays où l'opacité du pouvoir sur ces affaires est totale, où la police, la justice, les médias sont aux ordres, le bloc de Daphné Caruana Galizia reste l'une des rares sources d'informations indépendantes. En retour, le gouvernement la déteste et les partisans du pouvoir en place n'hésitent pas à la prendre à partie dans la rue, ni même à la menacer de mort. Comme le raconte Paul, le dernier de ses trois fils, dans l'émission Envoyé spécial. Un de nos chiens a été égorgé sur le pas de notre porte. Deux autres ont été empoisonnés. On a mis deux fois le feu à notre maison. Le but était clairement de tuer notre mère. Les gens lui rentraient dedans en voiture, la menaçaient de mort au téléphone. Les membres du gouvernement la harcelaient lorsqu'elle sortait dans la rue. C'était sans fin. Toutes les occasions étaient bonnes pour menacer, harceler et rabaisser notre mère. C'est peu dire que Daphné Caruana Galizia dérangeait, surtout au sommet de l'État. L'une de ses cibles préférées, le Premier ministre, Joseph Muscaté, ou Muscat, c'est selon, et son parti travailliste, de centre-gauche, à la tête du pays depuis 2013. Ambitieux, habile, blond et souriant, élu à 39 ans, ce dirigeant politique affiche un bilan économique flatteur, mais reste empêtré dans les Panama Papers. En avril 2016, la gigantesque fuite de données du cabinet panaméen Mossack Fonseca permet en effet de découvrir que deux de ses proches, son chef de cabinet, Keith Chambry, et son ministre de l'énergie, Conrad Mizzi, ont ouvert, juste après leur arrivée au pouvoir, une société offshore au Panama qui couvre divers pots de vin. Mais malgré ces révélations de la journaliste, les deux politiques restent en poste. Un an plus tard, en avril 2017, Daphné va plus loin. Dans un article publié sur son blog, elle affirme que la femme de Joseph Muscat était elle aussi propriétaire d'une société Grand Panama, sur laquelle avait été déposé $1 million par l'Azerbaïdjan. Au même moment, le Premier ministre signe un accord avec ce pays pour construire une nouvelle centrale électrique à Malte, alimentée par du gaz azéri. Tiens donc. Pour la journaliste, il s'agit probablement du plus gros scoop de sa carrière. Et de fait, il déclenche dans le pays un scandale d'une ampleur inédite. La justice ouvre une enquête, Muscaté dément catégoriquement et convoque des législatives anticipées qu'il remporte de nouveau en juin 2017. Entre-temps, Daphné, surnommée la sorcière de Bidnila par ceux qui la harcèlent, se terre chez elle, comme elle le raconte dans cette archive extraite d'un entretien réalisé par le Conseil de l'Europe dans le cadre d'une vaste enquête sur les menaces proférées contre les journalistes. L'outil le plus agressif que le Parti travailliste et le gouvernement utilisaient contre moi, c'est de m'ostraciser socialement et de m'aliéner. Cette situation est extrêmement difficile à vivre, car ils ont fait de moi un bouc émissaire à l'échelle nationale. C'est une propagande incessante à mon encontre. Je m'y suis habituée comme une cicatrice sur le visage. Mais ma principale inquiétude, c'est l'exemple que cela donne aux gens qui voudraient faire comme moi. Ils ne veulent pas le faire, cela les effraie. Les gens ont peur des conséquences. Dix jours après cet entretien, le 16 octobre 2017, la journaliste la plus célèbre de Malte est brûlée vive dans l'explosion de sa voiture. Alors, au lendemain de sa mort, les Maltais descendent dans la rue. À La Valette, la capitale, les pancartes ont remplacé les bougies. Elles réclament « Justice for Daphné ». Justice pour Daphné. Pour tous, la nature criminelle de l'attaque ne fait aucun doute. Oui, elle a été tuée parce qu'elle écrivait. Et pour ce qu'elle écrivait, c'était le seul moyen de la faire taire. Prise à partie, le pouvoir maltais réagit immédiatement. Le Premier ministre, Joseph Muscat, s'insurge contre cet acte qu'il qualifie de barbare. C'est une journée noire pour notre démocratie et notre liberté d'expression, déclare-t-il la main sur le cœur. Inquiète, la Commission européenne réclame de son côté une enquête indépendante, approfondie, tout comme 8 grands médias internationaux qui s'associent dans une lettre ouverte. En signe de bonne foi, la police maltaise s'entoure d'experts du FBI et de la police scientifique néerlandaise. Le gouvernement, lui, promet une récompense d'1 million d'euros à quiconque apporterait des informations sur le crime. Mais l'enquête s'annonce longue. 3 semaines après le meurtre, la police n'a organisé qu'une seule conférence de presse et encore sans livrer de véritables informations. La seule certitude, c'est que la bombe placée sous la voiture de Daphné a été déclenchée le 16 octobre 2017 par un téléphone portable. Un mégot de cigarette a également été retrouvé proche du lieu de l'explosion, là où a été vu le véhicule suspect, à plusieurs reprises avant le drame. En attendant, le gouvernement s'efforce tant bien que mal d'écarter tout motif politique. Interrogé par Le Monde, le 8 novembre 2017, le ministre de la Justice, Owen Bonici, commence sa déclaration par un terrible lapsus. Daphné a été tuée par des criminels. Malheureusement, les criminels sont partout. Mais je ne suis pas d'accord avec les personnes qui disent que Malte est soudainement devenue sale. Vous ne pouvez pas avoir une bonne santé économique dans un pays qui est malade. Un mois et demi après l'assassinat de Daphné, l'enquête avance enfin. Le 4 décembre 2017, les forces spéciales maltaises lancent un raid dans la zone portuaire de Marsa. 3 personnes sont arrêtées. 2 frères, Alfred et Georges de Giorgio et Vincent Muscat, sans lien de parenté avec Joseph Muscat, le premier ministre maltais. Connus pour leur proximité avec le milieu, ils ont déjà été mis en cause dans des affaires de braquage. Pendant leurs interrogatoires, les suspects gardent le silence, si ce n'est pour plaider non coupable. Mais les preuves contre eux sont accablantes. Grâce aux données de leur téléphone portable, les inspecteurs maltais, avec l'aide du FBI, reconstituent très vite leur mode opératoire. Tout commence le 5 octobre 2017, 11 jours avant l'assassinat. Alfred de Giorgio est localisé à Bilnila, où habite Daphné et sa famille. Son téléphone sera ensuite repéré à 9 reprises jusqu'au jour de l'assassinat. La veille, dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017, la bombe, préparée par Vincent Muscat, est placée sous le siège de la voiture de Daphné. À quelques dizaines de mètres de là, les policiers ont retrouvé le fameux mégot de cigarette, un bout de clope insignifiant qui apporte pourtant la solution au mystère, grâce à l'ADN prélevé dessus, celui d'Alfred de Giorgio. 7h55, le jour de l'assassinat, le bateau de l'autre frère, Georges, est aperçu par des caméras de surveillance quittant le port de La Valette. C'est là, au large, que les enquêteurs estiment qu'il a activé la bombe par SMS à exactement 14h58 minutes et 55 secondes. Quelques minutes plus tard, Georges de Giorgio rentre au port. En chemin, il envoie un SMS à sa compagne achète-moi du vin, mon amour. À Malte, l'enquête sur le meurtre de Daphné passionne les foules. Et ce n'est pas seulement parce que c'est le plus gros dossier criminel depuis des décennies, non. Il se trouve que cette micro-société insulaire maltaise est aussi une société profondément divisée, ultra-polarisée entre deux clans, les travaillistes au pouvoir depuis 2013 et les nationalistes de centre-droit ouvertement soutenus par Daphné. Et puis, la loyauté au parti est souvent familiale à Malte. Dans ce contexte, l'assassinat de la journaliste exacerbe les querelles partisanes et chaque camp tente de marquer des points, un grand coup d'opération marketing. L'arrestation en direct de trois malfrats y ressemble beaucoup d'ailleurs, comme le raconte Jacob Borg, reporter au Times of Malta, dans le documentaire « Malte au nom de Daphné » réalisé par Jules Giraudot et produit par Forbidden Stories en 2021. L'arrestation ressemblait à une pièce de théâtre. C'était filmé comme au cinéma. Il y avait un hélicoptère. On se serait cru dans un film d'action américain. Ces personnes sont des criminels de bas étage. Et Daphné n'avait jamais écrit sur eux. Quel intérêt avait-il à la tuer ? C'est vrai. Trois accusés posant un meurtre et toujours pas de mobile. Daphné Caruana Galizia ne s'était jamais intéressée aux frères de Giorgio ni à Vincent Miscat, alors elle n'avait jamais écrit sur eux. Aucun lien n'est donc établi. Alors pourquoi? Qui a payé pour placer la bombe? Les assassins de la journaliste qui traquaient la corruption jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir ont-ils pu agir sur ordre politique? Sur l'île, la rumeur court. Affaires sensibles sur France Inter. Cerclé de portefeuille, stomac à l'élévide, gonflé par l'illusion, parfois dragué par l'âme, vidé par l'insondable, guidé par la victoire. Elle avance aujourd'hui, en plein air sans complexe, chez les petits affranchis, de la voix et du geste. Y'a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption. Dans sa fonction assise, comme une courtisane, elle parle du futur, dans les fumées à vin, des cercles réfléchis par des miroirs obscurs. Tout le monde s'épie, blanchit et se rassure, et s'il te reste encore une portion d'azur, une idée libertaire, une folle passion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Positive et inquiète, pour souffler pourri, corruption ordinaire de la démocratie. Y a pas de transparence dans la génuflexion. Et l'on dit qu'il y a faute quand vient la corruption. Il a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Thank you. avait fait trembler le pouvoir avec des accusations de corruption. La journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia a été assassinée hier près de son domicile dans le nord de l'île. Sa voiture a explosé quand elle a pris le volant. Là aussi, Laurent Richard, Forbidden Stories va reprendre ou reprend déjà l'enquête de cette journaliste maltaise. La mort de Daphne Galizia est exactement le type d'enquête sur lesquelles on pourrait travailler. Nous, par principe, on ne révélera jamais sur quoi on va travailler à l'avance pour protéger nos enquêteurs, pour ne mettre en danger aucune de nos sources. Mais en tout cas, c'est un exemple qui permet de se rappeler la fragilité de la liberté de la presse, y compris sur le sol même de l'Union européenne. Malte, c'est dans l'Union européenne. Daphne Galizia est morte 5 minutes après avoir quitté son domicile dans l'explosion de sa voiture, et elle travaillait sur des schémas de corruption et de blanchiment qui étaient et qui sont internationaux. Mais c'est à nous, journalistes, de faire en sorte que les informations de Daphne Galizia ne meurent pas avec elle. Le 11 novembre 2017, presque un mois après l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, le journaliste Laurent Richard est l'invité de l'émission L'Instant M sur France Inter. Il vient de lancer, avec 18 médias internationaux, le projet Forbidden Stories, histoire interdite. Il s'agit d'une plateforme internet sécurisée, où les journalistes qui se sentent menacés partout dans le monde pourront désormais confier leurs enquêtes, comme dans une boîte noire ou un coffre-fort, voire les deux. S'ils sont assassinés, emprisonnés ou censurés, leur travail sera repris, à l'instar de celui de Daphné. Laurent Richard ne va pas encore le dire, mais ce sera la première enquête coordonnée par le réseau Forbidden Stories, son nom, Projet Daphné. Ainsi, pendant des mois, 45 journalistes internationaux vont travailler ensemble dans le secret et enquêter sur place. Le 18 avril 2018, 6 mois après l'assassinat de Daphné, leur travail est publié. Il révèle notamment que la journaliste enquêtait sur la vente des passeports en or. Depuis 2013, en effet, Malte vend son passeport à de riches étrangers pour 1 million d'euros. Une porte d'entrée dans l'Union européenne ouverte à ceux qui peuvent payer. Rien d'illégal jusque-là. Mais la journaliste soupçonnait des proches du Premier ministre de toucher des pots de vin dans le cadre de ce programme. Le directeur de cabinet de Joseph Muscat, Kim Chambry, souvenez-vous, celui qui avait été déjà mis en cause dans les Panama Papers, aurait ainsi touché 100 000 euros. Ces premières révélations du réseau Forbidden Stories, reprises par toute la presse locale, suscitent une vive émotion à Malte, comme le raconte l'envoyé spécial du JT de France 2 le 18 avril 2018. C'est un énorme scandale qui implique à la fois le directeur de cabinet de Joseph Muscat, le premier ministre maltais, on vient de le voir, mais qui implique également un ministre influent du gouvernement, Chris Cardona, qui est le ministre de l'économie, selon des révélations de France 2 notamment. Eh bien, il a rencontré l'un des meurtriers présumés de la journaliste assassinée. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a commandité cet assassinat, mais ce soir, on a le sentiment que l'étau est en train de se resserrer autour des proches du premier ministre maltais. Que va-t-il se passer maintenant? C'est difficile à dire. Joseph Muscat est quelqu'un de très populaire ici. L'an dernier, il a été réélu haut la main après le scandale du Panama Papers. Et ce soir, eh bien, les heures qui viennent sont pour lui décisives. Les journalistes du projet Daphné découvrent aussi que Daphne Caruana Galizia s'intéressait de près à la nouvelle centrale électrique au gaz ouverte en 2017 à Malte. C'était la grande promesse de campagne du Premier ministre Joseph Muscat. Moins polluante que l'ancienne au fioul, elle devait fournir de l'électricité moins chère et permettre d'en finir avec les innombrables coupures de courant. Mais quelques semaines avant sa mort, Daphné obtient des milliers d'emails et de documents provenant d'Electrogas, la compagnie qui gère la centrale. Et elle y découvre des choses étranges. C'est une société azérie, Socar, qui a été choisie pour fournir le gaz naturel liquéfié alors que ce pays n'en produit pas. Il est en réalité livré par Shell, puis revendu à Malte, Socar empochant au passage un joli bénéfice. L'État maltais, lui, perd ainsi des centaines de millions d'euros. Mais alors pourquoi Socar a-t-elle été choisie? Et surtout à Malte, qui en profite? Au premier rang, il y a l'homme d'affaires Jorgen Fenech, 37 ans, directeur et actionnaire d'Electrogas. C'est l'un des hommes les plus riches de Malte. Promoteur immobilier, propriétaire d'hôtels, de restaurants, de casinos. Son groupe familial, Tumas, a investi au cœur de l'Europe et en particulier en France. Daphné enquête donc activement sur cet homme et remonte jusqu'à une mystérieuse société basée à Dubaï nommée 17 Black. Elle est utilisée, croit-elle, par le gouvernement pour entrer et sortir de l'argent de Malte. Mais Daphné est assassinée avant de pouvoir trouver qui se cache derrière cette société. Les journalistes du projet Daphné le feront pour elle. Quelques semaines plus tard, ils apportent la preuve que 17 Black appartient à Jürgen Fenech, l'exploitant de la centrale électrique. Mieux, ils découvrent que cette société servait à verser de l'argent à deux offshores ouvertes par des membres du gouvernement maltais. Comme l'explique Jules Giroda, journaliste de Forbidden Stories, dans l'émission Secret d'Info sur France Inter le 15 mai l'année dernière. Ils obtiennent un email qui explique que 17 Black est censé verser à peu près 2 millions d'euros aux deux sociétés offshore, un de Keith Chembri, le chef de cabinet du Premier ministre, et deux de Conrad Midi, qui était à l'époque ministre de l'énergie. Et donc là, tout de suite, tout s'éclaire. C'est-à-dire qu'il y a un énorme contrat public, près de 400 millions d'euros. Le propriétaire de cette entreprise est le propriétaire d'une société offshore qui est censé reverser de l'argent au chef de cabinet et au ministre de l'énergie, c'est-à-dire ceux qui ont décidé que se construise cette centrale électrique. Daphné Caruana Galizia avait-elle compris tout cela? A-t-elle été assassinée pour l'empêcher de révéler ce schéma de corruption présumé? 17 Black serait-elle l'enquête de trop? Pour la première fois en tout cas, un mobile se dessine. Le 9 novembre 2018, plus d'un an après le meurtre, le journal Times of Malta ainsi que l'agence de presse britannique Reuters publient l'information. Le grand public sait désormais que Jürgen Fenech est bien le propriétaire de 17 Black, cette mystérieuse société qui devait verser des centaines de milliers d'euros aux deux membres du gouvernement. Les paiements ne sont jamais intervenus, probablement parce que Daphné avait commencé à publier des informations. Mais le schéma de corruption semble clair. Pourtant, les deux personnalités incriminées conservent le soutien du Premier ministre Joseph Muscat, totalement imperméable aux accusations. En réalité, l'affaire est en train de basculer. Au cœur de l'été 2018, du fond de sa cellule, Vincent Muscat, l'un des trois assassins présumés, celui qui avait préparé la bombe, se met à table. En échange d'une négociation sur sa peine, il révèle qu'il y avait bien un intermédiaire dans ce meurtre. Oui, une personne qui a donné les instructions et l'argent, 150 000 euros, un certain Melvin Teba, 42 ans, officiellement chauffeur de taxi, officieusement à la tête d'un réseau de jeux d'argent illégaux. C'est surtout un proche de Jürgen Fenech, son homme à tout faire en quelque sorte. Ainsi, les soupçons se renforcent-ils autour de l'homme d'affaires. Pourtant, pendant un an et demi, rien ne se passe. Finalement, le 14 novembre 2019, la police maltaise interpelle Melvin Teba dans sa voiture. Et stupeur, l'homme semble attendre tranquillement les policiers où il tient serré contre lui une boîte de crème glacée, vide, enfin pas tout à fait, car dans laquelle se trouvent des clés USB, des photos, des téléphones et une lettre, dont voici un extrait. Je suis Melvin Teba, j'étais l'intermédiaire dans l'affaire concernant Madame Caruana Galizia. Je vous transmets cette preuve afin que vous sachiez qui m'a engagé et qui a payé pour la bombe. Je fais cela parce que je me suis rendu compte que ces deux personnes, Jürgen Fenech et Keith Chembri, voulaient se débarrasser de moi. J'ai donc préparé cette preuve afin que vous connaissiez toute l'histoire si je venais à être éliminé. Les preuves dont parle Melvin Teba sont des conversations qu'il a enregistrées avec Jürgen Fenech et qui racontent que l'homme d'affaires est bien le commanditaire de l'assassinat de Daphné. Ces enregistrements sont mis à l'abri au siège d'Europol, tandis que Melvin Teba tente de négocier une immunité en échange de son témoignage. Le pouvoir, lui, tergiverse. Et pendant ce temps, sentant le vent du boulet, Jürgen Fenech tente de prendre la fuite. 6 jours plus tard, au petit matin du 20 novembre 2019, il est intercepté par la police maltaise alors qu'il faisait route vers la Sicile, plein gaz, à bord de son yacht. Sous les flashs des photographes, costume ajusté, crâne chauve et lunettes noires, Fenech est passé en garde à vue. Il est devenu l'ennemi public numéro 1. Joseph Muscat, éclat et sang. arrestation déclenche une vague de manifestations sans précédent à Malte. À La Valette, la capitale, ils seront jusqu'à 30 000 à descendre dans la rue, assiégeant littéralement le Parlement, jetant des œufs sur les voitures officielles aux cris de mafia ou de justice. Cinq jours plus tard, le 25 novembre, Melvin Thomas, l'intermédiaire chauffeur de taxi, obtient l'immunité qu'il demandait en échange de son témoignage. Épisode raconté par le journaliste de Reuters, Stephen Gray, dans le documentaire Malte au nom de Daphné. D'après sa version, il a été invité juste avant les élections de 2017 dans un restaurant près de l'hôtel Hilton, qui est détenu par Jürgen Fenech. Fenech lui aurait dit « Peux-tu prendre contact avec Georges De Giorgio ?» Il était réputé à Malte pour être un tueur à gages. Fenech aurait ajouté « Je veux faire tuer Daphné ». Et lui aurait dit de proposer un prix de 150 000 euros. Le lendemain, 26 novembre 2019, trois membres du gouvernement, parmi lesquels le chef de cabinet Keith Chambry et le ministre de l'énergie Konrad Mizzi, démissionnent avant que le premier ministre Joseph Muscat lui-même ne soit rattrapé par la colère de son peuple. Le 1er décembre 2019, il jette l'éponge, mais entend garder quelques cartes en main. Il ne partira qu'en janvier, après avoir désigné son successeur, Robert Abella, un proche. Peu à peu à Malte, la vérité éclate sur l'affaire Daphné Caruana Galizia. Certes, mais une question demeure. Si l'homme d'affaires, Jürgen Fenech, est coupable, a-t-il agi seul ? Aux enquêteurs, ce dernier accuse Keith Chambry, décidément partout, d'être le cerveau de l'opération. Les deux hommes se connaissent bien, souvenez-vous. Jürgen Fenech avait prévu de lui verser des pots de vin en marge de la construction de la nouvelle centrale électrique du pays. Aujourd'hui, le businessman affirme que Keith Chambry aurait versé 80 000 euros aux trois malfrats mis en examen pour le meurtre de la journaliste. Il l'aurait aussi tenu régulièrement au courant de l'évolution de l'enquête de police, depuis le jour de l'assassinat jusqu'à celui de sa propre arrestation à bord de son yacht. Sur la base de ces accusations, Chambry est arrêté avant d'être remis en liberté deux jours plus tard à la stupeur générale. La police assure ne pas avoir trouvé d'éléments compromettants. De son côté, Jürgen Fenech change de stratégie. Faute d'avoir obtenu l'immunité, il plaide aujourd'hui non coupable. Et un bataillon d'avocats s'occupe de débusquer la moindre erreur qui pourrait faire tomber la procédure. D'autant que le dossier reste fragile. Et le 21 juillet 2020 arrive ce qui pouvait arriver. L'accusation vacille, comme le raconte le journaliste Jules Girondin dans l'émission Secret Info. Melvin Thomas était retrouvé chez lui, la gorge tranchée, des coups de poignard dans le ventre. Pendant quelques heures, on ne savait pas s'il allait s'en sortir ou non. On ne savait surtout pas s'il avait attenté à sa vie ou si quelqu'un avait tenté de l'assassiner. On sait qu'il était sous protection policière, mais s'il meurt, potentiellement tout s'effondre. Finalement, on a appris qu'il avait tenté de se suicider. Aujourd'hui, il a retrouvé la parole et donc peut revenir au tribunal. Mais on voit voilà, que ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'à la fois l'enquête avance et en même temps, on a l'impression qu'elle peut faire 10 pas en arrière à tout moment. Melvin Thomas, l'intermédiaire chauffeur de taxi, a donc survécu et il a comparu à plusieurs reprises devant les juges. Mais il reste encore de nombreux points à élucider, notamment et surtout les responsabilités au plus haut niveau. D'où cette question lourde. Le Premier ministre a-t-il validé ou couvert le crime ? A-t-il ensuite entravé l'enquête policière ? En février 2021, Vincent Muscat, le fabricant de la bombe placée sous la voiture de Daphné, a été condamné à 15 ans de prison. Une peine négociée en échange de son témoignage. Mais les autres protagonistes du crime, dont Jürgen Fenech, ne seront pas jugés avant un moment, sans parler de Keith Chambry. Comme quoi, le fantôme de Daphné risque de hanter Malte encore longtemps. Più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Parla più basso. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, la journaliste qui en savait trop. Notre invité, Jules Girona. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de France Bleu Gare-Lozère. Vous êtes à Nîmes et nous remercions France Bleu Gare-Lozère pour son accueil. On vous a beaucoup entendu pendant le récit, mais on va continuer à vous entendre. C'est normal, vous avez tellement travaillé sur cette affaire. Vous êtes journaliste, réalisateur. C'est vous qui avez coordonné le travail des 45 journalistes du projet Daphné, ainsi que réalisé deux documentaires sur le sujet dont nous avons entendu effectivement plusieurs extraits au cours du récit. Vous savez, cette affaire me fait penser à celle d'Anna Politkovskaya, à ceci près que l'assassinat de la journaliste russe est intervenu dans une dictature. Si on avait encore quelques illusions sur ce pays, on le sait maintenant. Là, nous sommes dans une démocratie. Je trouve que la dimension est importante de ce point de vue-là. Nous sommes en Europe, dans l'Union européenne. C'est une dimension qu'il ne faut pas passer sous silence, je crois. Oui, c'est un des drames de cette affaire, c'est que malheureusement, il a fallu l'assassinat de Daphne Caruana Galizia pour que au niveau européen, on se rende compte de ce qui se passe à Malte, c'est-à-dire Malte, un pays démocratique au sein de l'Union européenne et qui pourtant est gangréné par la corruption, où l'état de droit n'est pas respecté, où quand une journaliste d'investigation tente d'enquêter sur le pouvoir, ce qui est son droit et ce qui est nécessaire pour la démocratie, eh ben elle est harcelée, elle est menacée, finalement on l'assassine de cette manière. Ce qu'on voit aussi, et c'est ce qu'a montré l'enquête sur sa mort, c'est qu'il y a un grand problème d'indépendance de la police ou de la justice à Malte. Je vous donne juste quelques exemples parce que je trouve qu'ils sont frappants. Mais oui, c'est important, bien sûr. Le commissaire de police, par exemple, qui était en charge de l'enquête sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, au moment même où il devait enquêter sur Jorgen Fenech, c'est-à-dire le commanditaire présumé, il allait avec lui en loge voir des matchs de foot de la Ligue des Champions à Kiev ou bien des matchs de Première Ligue à Londres. On sait que toutes les personnes qui sont mises en examen dans cette affaire ont toutes été informées quasiment en temps réel de l'enquête de police. Ils étaient mis au courant avant leur arrestation. Donc voilà, c'est un ensemble de faits qui montrent que même dans un pays démocratique, ce genre de choses peut arriver et qu'il est essentiel d'avoir un état de droit qui est respecté. Bien sûr. Alors pour commencer, où en est l'affaire aujourd'hui d'un point de vue judiciaire? Est-ce qu'on a une date de procès, notamment celui de Jorgen Fenech? Alors, la justice maltaise est extrêmement lente. Comme vous l'avez dit, Vincent Muscat, appelé des coupables, et a donc été condamné à 15 ans de prison. Melvin Thomas a obtenu l'immunité en échange d'informations sur Jürgen Fenech. Mais en ce qui concerne les frères De Giorgio, donc les tueurs présumés, on n'a toujours pas de date de procès. Ils ont été comme arrêtés il y a bientôt 4 ans et demi. Je parlais récemment avec les enfants de Daphné qui me disaient que peut-être en septembre aurait lieu leur procès. Concernant Jürgen Fenech, on ne sait toujours pas quand aura lieu un possible procès. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus la famille de Daphné est inquiète, parce que effectivement, Jürgen Fenech a de l'argent et fait tout pour faire en sorte de faire tomber cette accusation. Il peut se payer des très bons avocats. Alors, on va parler concrètement de votre travail d'investigation au sein de Forbidden Stories. Alors, ça, c'est quand même formidable, justement, parce que des lanceurs d'alerte. Alors, là, j'ai au-delà de l'affaire dont nous parlons, mais dans d'autres affaires, il y a des lanceurs d'alerte. Alors, c'est très intéressant, mais il faut bien sûr vérifier ces informations, les recouper, et c'est pour cela qu'on a créé ce consortium de journalistes et que vous avez créé ce groupe-là. J'ai l'impression, moi, qu'on a trouvé une solution, une vraie solution par rapport au virage que prend notre métier avec Internet. C'est une vraie solution, ça. Vous n'allez pas me dire le contraire, effectivement. Mais c'est intéressant. Forbidden Stories, comme vous l'expliquez, c'est un réseau de journalistes d'investigation qui travaillent en commun pour continuer le travail de journalistes qui ont été assassinés et pour enquêter sur leur mort. Derrière cette idée de Laurent Richard, il y a tout d'abord le fait que un journaliste ou une journaliste seule est beaucoup plus vulnérable. C'est le cas de Daphné Caruana Galizia. Elle enquêtait seule, elle avait son propre blog. Et donc, finalement, ça en faisait une cible plus facile. Quand vous êtes 45 journalistes de médias importants, comme Radio France, hein, qui fait partie du réseau Forbidden Stories, si une personne décide d'attenter à la vie d'un d'entre nous, il y en a finalement 44 autres qui peuvent continuer. Donc ça, c'est le principe. Et il y a ensuite enquêter sur l'assassinat d'une personne ou sur des enquêtes de corruption ou de blanchiment d'argent qui par essence traversent les frontières, c'est intéressant d'être un groupe de 45 journalistes, de se répartir le travail. Il y a différentes compétences, des personnes qui connaissent mieux certains pays ou certains dossiers, et ensuite je crois que plus globalement, dans un moment où la presse est extrêmement critiquée, parfois à raison, et en même temps des fois ça est instrumentalisé par des politiques, je pense que c'est important d'envoyer un message fort en disant voilà, les journalistes ne sont pas forcément des chasseurs de scoops en concurrence, mais on peut collaborer pour faire en sorte d'informer les citoyens et que la démocratie puisse fonctionner. Exactement. Et donc, on est bien d'accord que c'est parti de lanceurs d'alerte, en fait. Cette idée de gestion collective de journalistes pour recouper les informations, pour qu'elles aient une vraie valeur. On est bien d'accord. Le groupe que vous avez créé, vous, est une variante de cela. Absolument, tout notre travail repose uniquement sur des lanceurs d'alerte fournissent des informations. C'est essentiel, et nous, notre travail est de protéger ces sources pour qu'elles nous permettent de mener à bien notre investigation et de révéler des scandales. Alors, Daphné avait un mari et trois fils, une famille n'a jamais eu le temps, cette famille qui n'a jamais eu le temps de pleurer sa mort, parce qu'avant même son enterrement, ils ont dû se battre, les membres de la famille, pour défendre le travail de leur mère, sur la corruption, malgré un harcèlement permanent et des attaques. Ils ont dû se battre aussi pour connaître la vérité avec leurs propres armes. Comme le raconte, et on va l'entendre, Paul Caruana Galizia, le Benjamin de la fratrie, dans votre documentaire « Malte, au nom de Daphné ». Par chance, parce que nos vies ont emprunté différents chemins, nous avons développé des qualités qui se sont révélées très utiles pour cette campagne. Mathieu est journaliste, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Andrew est diplomate, ce qui est très utile quand vous menez une campagne à l'international. Et je ne sais pas trop à quoi je sers. Mais on a avancé comme ça. On parle du combat des fils de Daphné. Tout d'abord, je suis absolument admiratif du combat qu'ils arrivent à mener, de leur courage. Mathieu, Paul et Andrew, on a à peu près le même âge. Mathieu, je le connaissais avant l'assassinat de sa mère, parce qu'on travaillait dans les mêmes locaux, chacun pour une rédaction. Et à partir du moment où leur mère a été assassinée, ils auraient pu, et ça aurait été absolument compréhensif, essayer de s'éloigner un petit peu de cette affaire, se reconstruire, tenter d'avoir leur vie. Ils ont décidé, au contraire, de s'engager pleinement dans le combat pour obtenir la vérité sur le meurtre de leur mère, mais aussi pour essayer de laver Malte de la corruption grimpante. Finalement, ils ont pris le relais du combat de leur mère. Il faut savoir que c'est quelque chose de extrêmement complexe. Mathieu habite chez sa mère. Il a arrêté de travailler. Son travail maintenant, c'est l'affaire en soi, et ça fait maintenant plus de 5 ans. Vous imaginez bien, vu d'un point de vue personnel, c'est évidemment extrêmement difficile. Et pourtant, il continue. Et ce que ça montre, encore une fois, c'est que quand la justice n'est pas nécessairement indépendante, quand la police ne fait pas son travail, c'est extrêmement injuste. C'est aux enfants d'une journaliste assassinée de tenter de trouver, d'obtenir justice et d'obtenir la vérité. Jules Girondin, surtout vous ne quittez pas. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Burning Fly. Over. Striking hard, made my way to the earth. I'll stay. I feel like open sky. Could we ever believe it's wrong? I feed out the open minds. I will feel like you're on your own. I guess you're doing fine. Girondin, on va maintenant, pour les minutes qui nous restent, 4 exactement, parler de Malte. Quel est l'état de la liberté de la presse aujourd'hui dans ce pays? Si on peut essayer de finalement voir une chose positive dans les conséquences de l'assassinat de Daphne Caruana Galizia, c'est que les fils de Daphné ont décidé de créer une fondation, qui est la fondation Daphne Caruana Galizia, qui essaie de promouvoir la liberté de la presse à Malte. Et surtout, ils sont en train de créer un réseau de journalistes d'investigation. C'est-à-dire que c'était souvent des journalistes qui étaient un peu chacun dans leur coin. Et là, ils s'associent pour enquêter et pour finalement faire le travail que Daphné faisait toute seule. Et je trouve que c'est un très beau signal après ce drame. Alors aujourd'hui, Joseph Muscat, ou Muscaté, comment prononcez-vous? Muscat. Mais je suis pas. Vous êtes un spécialiste, vous connaissez bien, donc je vais vous faire confiance. Je voulais pas vous reprendre non plus. Il veut dire Muscat à la fin de l'émission. Alors j'ai dit Muscat pendant toute l'émission. Bref, Joseph Muscat n'est plus Premier ministre, mais comment, on a l'impression qu'il s'en sortait assez tranquillement de tout cela. Comment la population juge-t-elle aujourd'hui la façon dont il a dirigé le pays pendant 7 ans quand même, de 2013 à 2020? Mais comme vous le disiez très justement dans votre émission, la société maltaise est extrêmement polarisée. C'est-à-dire que une moitié du pays, qui est plutôt minoritaire aujourd'hui, soutient le parti nationaliste, donc un parti de centre-droit que clairement soutenait Daphné. De l'autre côté, il y a le parti travailliste, et le parti travailliste a malgré les révélations de Daphné sur les Panama Papers, malgré son assassinat, malgré le fait que les plus proches collaborateurs de Joseph Muscat soient soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre, le parti travailliste est aujourd'hui toujours au pouvoir, avec des chiffres qui parlent peut-être économiquement en leur faveur, hein, un taux de chômage très bas, une croissance, mais à quel prix, en acceptant quel type d'argent, si c'est pour accepter l'argent de dictature ou d'hommes d'affaires véreux, est-ce cela une démocratie? Donc Joseph Muscat finalement a perdu le pouvoir, mais il y est resté longtemps et a réussi à passer entre les gouttes. Les affairistes au pouvoir, tiens d'ailleurs, il y a l'affaire des passeports maltais qu'on a évoqué pendant le récit. Alors, il y a quelque chose de tout à fait immoral là-dedans, mais on ne va pas aller dans le jugement. Racontez-nous ce que vous avez découvert sur les dessous de ce système. Alors, le système de la vente de passeports ou des passeports en or, c'est Malte, ce qui est légal, peut vendre sa citoyenneté à des personnes qui payent 1 million d'euros. Ils ont décidé de vendre leur citoyenneté en disant, voilà, si vous avez 1 million d'euros, vous pouvez devenir citoyen maltais. Il y a normalement quelques conditions. Vous êtes censé résider à Malte 1 an. Ce qu'a montré notre enquête collaborative, c'est que ce n'était jamais respecté. C'est-à-dire que les personnes venaient, passaient une demi-journée, signaient les papiers, n'habitaient jamais à Malte. Et normalement, il y a un contrôle sur le profil des personnes et l'origine des fonds. Ce qu'on a montré, c'est que ce contrôle n'était pas bien mené, et donc des personnes au profil un peu louche, ou des personnes peu recommandables en tout cas, obtenaient la citoyenneté maltaise. Obtenir la citoyenneté maltaise, c'est obtenir la citoyenneté européenne, c'est-à-dire avoir la possibilité d'investir en Europe, d'avoir un compte en banque, de se déplacer librement. Il y a notamment des oligarques russes qui ont obtenu cette citoyenneté européenne via ce système-là. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine, évidemment, d'ouvrir la porte à des oligarques russes sans forcément vérifier d'où vient leur argent, on comprend que ça soit extrêmement problématique et qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes essaient de remettre en cause ce système. Oui, et au moment aussi où des familles qui, elles, n'ont pas le sou meurent dans les eaux de la Méditerranée. Et d'ailleurs, pas loin de Malte, d'ailleurs. Hein, entre Sicile. Oui. Non, mais c'est toute l'immoralité la chose. Bien sûr. Bon, il reste 30 secondes. Peut-être répondre par oui ou par non. Est-ce qu'on peut parler au bout du compte d'une culture de l'impunité à Malte? Ou c'est un peu trop fort, non, ça va? Oui, une culture complète de l'impunité. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, les Panama Papers, il y a quand même plusieurs gouvernements qui ont été éclaboussés dans l'Union Européenne. Oui. Généralement, quand il y avait le nom d'un Premier ministre ou d'un ministre, ils démissionnaient. Et là, non. Ce n'est pas le cas à Malte. Mais voilà, c'est juste un exemple. C'est un exemple qui dit tout, absolument. Oui. Jules Giraud. Excusez-moi, toujours les fins d'émission sont toujours un peu brutales. Si vous avez entendu quelque chose comme une perceuse, ça n'est pas une facétie de notre réalisatrice Flora Bernard, c'est une vraie perceuse pour des vrais travaux. Ça arrive. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Corruption à Malte, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.